19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Il fait un temps dégueulasse, il flotte, il fait froid. Bon, bah, j'imagine qu'une seule chose à faire, rester bien au chaud chez soi, déboucher une bonne bière, s'installer profondément dans son canapé et savourer de la bonne musique. Bah, c'est ce qui vous attend ce soir pendant 2 heures, comme tous les mardis soirs d'ailleurs. Alors cette semaine, on va retrouver le cours normal, puisque la semaine dernière, nous avions une émission quelque peu exceptionnelle, puisque c'était la 666. Donc là, nous allons repartir avec quelques nouveautés, des petites choses sorties récemment, enfin plus ou moins, puisque n'oublions pas que nous avons quand même eu 8 mois d'interruption. Donc on va essayer un petit peu de survoler malgré tout cette petite absence. Voilà. Donc un petit survol de tous les styles et sous-genres qui composent votre style musical préféré. Vous connaissez l'émission, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là ce soir, bien sûr. Eh bien, on va commencer tout de suite avec un groupe français qui a fêté ses 30 ans de carrière quand même. Bon, avouez que c'est pas négligeable. Il s'agit de No Return, donc qui avait fêté donc ses 30 ans en 2019 et qui avait donc en profité pour enregistrer un live, le premier de leur carrière, qui est sorti donc en décembre l'année dernière. Je vous l'ai présenté il y a de ça, je crois, 3 semaines. Il s'appelle Live 30, hein, pourquoi faire compliqué. Et on va se faire un petit extrait qui résume bien ce qu'est No Return, un mélange de thrash et de death metal avec Civil War pour commencer l'émission en douceur. Enfin, quand je dis en douceur, façon de parler. Civil! Merci. On a deux, trois petites surprises encore. Ça va, les amis? Pour commencer l'émission, Fanatic Mind et Civil War, deux pour le prix d'une, extrait du Live 30, sorti au mois de décembre pour célébrer donc les 30 ans d'existence de ce fleuron de la scène trash death française qu'est No Return. Eh bien, on va se faire une nouveauté, la première de la soirée, avec un album sorti au mois de décembre, mais pour Electric Shock, c'est une nouveauté. C'est un nouveau live de Blue Oyster Cult. On peut dire que 2020 ça aura été une année chargée discographiquement pour Blue Oyster Cult, puisque le groupe, même s'il n'a jamais cessé d'exister, a toujours été présent sur la scène mondiale, principalement aux États-Unis. Il faut dire qu'on a eu quand même 19 ans d'absence discographique totale. Alors là, cette année, ils se sont vraiment régalés, puisqu'on a eu pas moins de 10 sorties. Bon, il faut dire qu'on a eu quand même des rééditions. 4 aussi, et pas mal de live, 5, dont celui que je vais vous parler ce soir, et un nouvel album studio qui était sorti au mois d'octobre, qui est vraiment très très bon et qui ne donne qu'une envie, c'est de découvrir ce que va valoir ces nouveaux titres par rapport au grand classique. Alors ce nouveau live enregistré en 2016 s'intitule Live at Rock of Ages Festival 2016. Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport aux autres? Ben, pas grand-chose. Autant le Hard Rock Cleveland était important parce qu'il nous montrait un concert complet avec pas mal de choses. Le 40th Anniversary pour Agents of Fortune, ben, nous montrait donc l'intégralité de ce classique aussi. Le concert de Londres pour les 45 ans nous montrait l'intégralité du premier album, donc un certain intérêt. Celui-ci, non, c'est tout simplement un best-of. Ben, il nous montre tout simplement que le groupe est vraiment une machine de guerre sur scène, que c'est carré, que ça joue du tonnerre, que le son est impeccable. Voilà, donc pourquoi bouter votre plaisir. Si vous êtes fan de Booster Cult, bon bah je pense que c'est déjà fait. Et puis bah sinon, ça peut être un bon complément. Il y a le DVD avec, hein, n'oublions pas. On va se mettre un petit extrait donc de ce live enregistré le 30 juillet 2016 et on va se faire un petit morceau de Cultosaurus Erectus, c'est Lips in the Hill. Live, c'était Uriah Heep, extrait d'un album intitulé Live in Europe 1979, qui était sorti initialement en 1986 et qui a été réédité en 2000 avec des bonus. Et ben ça, c'est en hommage à John Lawton, qui a été donc le chanteur de la légende britannique entre 77 et 1979, et qui avait donc participé à trois albums, qui étaient Firefly, Innocent Victim et Fallen Angel. Là, c'était un extrait de l'album Fallen Angel, mais en live, le morceau I'm Alive, tout un programme. Juste avant Uriah Heep, c'était Blue Oyster Cult avec leur tout dernier live sorti au mois de décembre, Live at Rock of Ages Festival, et leur classique Lips in the Hill. On va se refaire encore une nouveauté, pareil, sortie en fin d'année dernière, c'est le nouvel album de Nightmare. Et oui, les Grenoblois ne sont plus à un changement de line-up près. C'est vrai que depuis que le groupe s'est reformé à la fin des années 90, ça a valsé, même si bon, le noyau dur, c'était quand même Yves Campion et les deux frères à mort. Depuis que les deux frangins sont partis, bon, on a eu pas mal de remue-ménage, surtout que le groupe a changé complètement d'optique musicale en prenant une chanteuse, donc ce qui a fait changer le style complètement. Seulement, Magali Van Luyten n'allait pas rester très longtemps, elle a fait un album et puis c'est tout. On aurait pu se dire que c'était juste une parenthèse et que Nightmare aurait voulu revenir à leur formule précédente, c'est-à-dire du heavy avec un chanteur masculin. Et non, ils ont persévéré, ils ont retrouvé une autre chanteuse qui est vraiment très intéressante, avec une voix assez actuelle. Et ils ont sorti un album qui s'appelle Aeternam, qui est un mélange d'anciens et de modernes. On a des rythmiques qui sont typiquement black metal avec des rythmes hyper speedés et on ressent des plans plutôt progressifs. Il y a des choses très très intéressantes. C'est un album que j'ai adoré et que je me lasse toujours pas d'écouter plus de 6 mois après sa sortie. Extrait de cet album donc sorti au mois de novembre qui s'appelle Aeternam, le morceau Temple of Acheron. Mike Lepon, le bassiste de Symphonix et son projet parallèle Silence Assassins. Et son album War of Babylon, donc sorti au mois de décembre, mais c'était donc Dracul Son. Juste avant Mike Lepon, Silence Assassins, c'était donc le nouvel album de Nightmare Aeternam, sorti au mois de novembre, mais c'était le morceau Temple of Acheron, et c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. On va se passer quelque chose de beaucoup plus rock avec un son plus alternatif, va-t-on dire. Sorti début juin, c'est le premier album solo de Wolfgang Van Halen, le fils de vous savez qui. Hein. Très attendu au tournant et je dois avouer que il ne déçoit pas le petit Wolfgang. Il nous a montré que il savait tout faire, guitare, basse, batterie et chant. Il s'est débrouillé très très bien. Et on y trouve des morceaux vraiment sympas. C'est un album qui s'écoute bien. Et je comprends que tous les charts américains explosent et apprécient. Extrait de cet album éponyme. Un petit clin d'œil au papa bien-aimé, Mr. Head. What's your making? 19h40 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, vous êtes bien en train d'écouter Electric Shock, l'émission métal qui vous fracasse le crâne tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, Miles Kennedy et son deuxième album solo, The Ides of March, et c'était Get Along, sorti au printemps dernier. Et ça, tout nouveau, tout beau, le premier album solo de Wolfgang Van Halen sous son dans ce groupe Mammoth WVH, c'était Mr. Hyde. On va se faire un peu de heavy metal maintenant, si vous voulez bien, avec la légende Iron Maiden. Pour ça, on va revenir au live Nights of the Living Dead, Legacy of the Beast, live in Mexico City. Ouf, ça y est, j'ai assez de souffle. Qui était sorti donc en décembre de cette année. Et donc, extrait donc de concert enregistré en octobre 2019, bien évidemment. Alors, est-ce que la part 2 de la tournée Legacy of the Beast va avoir lieu en 2022? Ça, c'est une grande question. Parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai appris, un nouvel album serait déjà en chantier, serait même déjà prêt à être dans les starting blocks pour l'année prochaine. Donc, wait and see. En attendant, sur cette tournée, Iron Maiden en a profité pour ressortir des morceaux quasiment jamais joués ou alors plus depuis tellement longtemps. Comme par exemple ce For the Greater Good of God qui était extrait de Matter of Life and Death, qui avait été joué donc à l'époque sur la tournée de cet album. D'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est pour ceux qui étaient allés au concert, ils avaient joué donc l'intégralité de l'album, soit déjà donc 1h15. Et depuis, ce morceau n'a jamais été rejoué. Donc voilà, c'était l'occasion de réentendre ce morceau vraiment excellent. Donc, Iron Maiden, c'est tout de suite maintenant dans Electric Shock. shepherds who fell upon the cross, to die for all of those who never mourned his loss. Wasn't meant for us to feel the pain again. Tell me why. Tell me why. Aussi grandiloquent, n'est-ce pas? Iron Maiden, like for the greater good of God, un extrait du double live Knights of the Living Dead, Legacy of the Beast, live in Mexico City, un live qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il n'existe pas le pendant DVD. C'est vrai que quand, si vous avez été les voir au Hellfest ou à Bercy, l'Accor Arena Hotel, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, on va se faire une nouveauté, la troisième de la soirée, avec un groupe qui nous vient du nord de la France, de Lille exactement. Ce groupe s'appelle The Lost. Alors, on les a déjà présentés, puisque c'est leur deuxième album. Leur premier était sorti déjà en 2016. C'est un groupe dont on dit le plus grand bien. D'ailleurs, ils sont chroniqués dans Rockhard, dans les groupes à découvrir. Alors, ce deuxième album, qui s'intitule Mystery of Depth, était plus ou moins un album concept qui parle donc de l'histoire des égarés, de gens complètement perdus dans ce monde, etc. Enfin, ce genre de choses. Il faut dire que vu le contexte actuel, ça va à merveille. Sinon, musicalement, que dire de ce groupe? C'est dark metal. Enfin, il y a un peu de tout parce qu'on peut, comme influence, on peut citer aussi bien Megadeth que Eisters, que Therion, que Bathory, que Mercyful Fate. Plein de choses. En fait, c'est un mélange de moderne et d'ancien et c'est très très bien foutu. Un seul reproche quand même, je trouve que la production est un peu rêche à mon goût, mais sinon il y a vraiment des belles trouvailles et un groupe à suivre. Donc extrait de Mystery of Depth, on va se faire notre morceau Tattoo the Child. We'll be right back. qu'est-ce que c'est bon ça, putain la vache, ça c'est vraiment du tout tout bon. Et vraiment une des grosses surprises de ce début d'année 2021, c'est l'album éponyme de Helloween avec Indestructible. Bah, c'est clair qu'ils le sont, bah oui, après plus de 35 ans de carrière avec un album pareil, je crois qu'ils sont repartis encore pour au moins 5 ou 10 ans, sans problème. D'ailleurs l'album se vend comme des petits pains un peu partout en Europe et c'est vraiment mérité. Avant Helloween, bien heavy aussi, et bah, une des nouveautés de la semaine, le deuxième album des Lillois de The Lost, Mystery of Death, sorti au mois de mai 2021, et c'était le morceau Tattoo the Child. Et déjà plus d'une heure passée en votre compagnie, bah oui, c'est vrai que le temps passe très vite, donc nous attaquons la deuxième heure d'Electric Shock, qui je vous rappelle est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Est-ce qu'on se fait un petit tour en Australie? Eh ben, allons-y, allons en Australie, à Melbourne plus exactement, où nous allons retrouver les Ukrainiens de Ginger, qui étaient là pour défendre leur dernier album, un des derniers concerts qui a eu lieu avant le premier confinement. Et d'ailleurs, si vous aimez les Ukrainiens, sachez que leur nouvel album studio, Wallflower, devrait sortir fin août. En attendant, ils nous invitent à nous faire une petite rétrospection. Тебя выхаживал, грустью болью скрашивал, позднею весной порастет травой тот, кто тебя нес. We'll be right back. Les Retrospection, donc deux extraits du live de Ginger Alive in Melbourne, sorti au mois de décembre. Ça décrase bien les oreilles. Il est déjà quand même plus de 20h12 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Le temps passe très très vite, il nous reste à peu près 3 quarts d'heure. On a encore pas mal de petites choses à vous passer, donc, dont encore une nouveauté, avec un petit groupe qui nous vient de la région parisienne, un groupe punk militant, qui s'appelle les Marteaux Piquettes. Alors c'est un groupe mixte, il y a deux nanas, deux mecs. C'est un groupe qui existe depuis 2004, alors c'est deux copines à la base, qui avaient déjà une bonne trentaine d'années, qui du jour au lendemain se sont dit, et puis si on montait un groupe? Alors, les filles n'avaient jamais manié un instrument de leur vie, ça les a amusées. Enfin, au départ, ça a été laborieux, comme on s'en doute, etc. C'est un peu curieux, parce qu'habituellement, quand on décide de faire un groupe de rock, on a 15 ans, 16 ans, mais à 30, 35 ans, voilà, enfin bref, vieux motard que jamais, comme on dit. Elles, avec des copains et des copines, voilà, elles ont réussi à faire quelques petites choses. Elles ont sorti déjà des petits 45 tours et c'est déjà donc leur deuxième album qui s'appelle donc Racine Carrée de vos Utopies, maintenant qu'il y a un line-up à peu près stable. Alors musicalement, c'est punk, rock, un peu pop quand même malgré tout, très engagé, mais très militant et surtout fait dans la bonne humeur. Donc, extrait de cet album, un morceau qui s'appelle Écosystème, d'ailleurs, où un clip a été tourné. Rock and roll avec les Frankistador et Swing and Smile, extrait de l'album New Eve sorti au printemps dernier, pareil, tout chaud. Sorti à peu près au même moment, le deuxième album des Marteaux Piquettes, Racines Carrées de vos Utopies, c'était Écosystème. On va se faire quelque chose d'un petit peu plus brutal quand même maintenant. On va revenir au live de Motorhead sorti au mois fin avril, Loud and Nice, live in Berlin, enregistré donc à Berlin en décembre 2012. D'ailleurs, fans de Motorhead, vous avez été gâtés vraiment ces derniers temps entre la sortie de ce CD-DVD excellent que vous avez eu droit aussi au Discardel, à un superbe picture disc du Saint Valentin Day's Massacre. Et la sortie aussi du coffret de No Sleep Till Hammersmith, regroupant donc l'intégralité des trois concerts qui ont fait cet album live mythique. Ça, on en passera les semaines qui vont suivre. Il y a du tout bon là-dedans. En attendant, on va retenir à Berlin 2012 et on va se faire le classique de Motorhead Overkill. Et pour jouer là, ils ne seront pas tout seuls puisqu'ils ont convié leurs copains d'Anthrax qui faisaient la première partie. Moi, je me rappelle leur concert à Paris. Je peux vous dire que Motorhead plus Anthrax qui vous joue Overkill, waouh, vous ressortez pas de là indemne. C'est clair. Bah, je sais pas si vous non plus, auditeurs, vous allez vous en sortir indemne. Enfin, on se retrouve tout à l'heure, juste après cette petite douceur. Allez, tout de suite, maintenant, Overkill. On vous l'aura laissé jusqu'au dernier Larsen. Alors imaginez ce que ça peut donner à 130 décibels. Waouh. Overkill, bien sûr. Extrait du Louder Than Noise, live in Berlin, le dernier live posthume de Motorhead. Voilà. Un petit peu de black metal maintenant, ça vous va? Eh ben, on va revenir à le deuxième album des Parisiens de Sanctuary Resilience, sorti au mois de novembre. Et on va se faire une petite douceur qui s'appelle Ghost. Alors, ne vous fiez pas à la petite intro. Bonne nuit les petits, c'était donc Sanctuary avec Ghost, un extrait de leur dernier album Résilience, sorti au mois de novembre 2020. À la suite, on va revenir à un groupe qui fait partie quand même de nos groupes préférés depuis un bon moment, c'est Dream Theater. Et John Petrucci a eu la bonne idée de remettre au goût du jour le label It's a Jam avec plein de raretés. Donc plein de choses devraient sortir ces prochains mois. En attendant, pour cette première nouvelle ressortie, on a eu droit à un concert enregistré au Japon en 2007 où Dream Theater en profitait pour rejouer l'intégralité de l'album Images and Words pour les 25 ans de la sortie de cet album mythique. On va donc s'en faire un petit extra avec le morceau classique, celui par lequel tout a vraiment commencé. Et puis on va le dédier à l'ami Christophe des Iron Troopers et de Prismas, que je sais que Dream Theater, ça c'est son truc. Allez, on se retrouve tout à l'heure. puissance, technique, vélocité, mélodie, originalité, que dire de plus? Dream Theater avec Pull Me Under, un extrait de Images and Words Live in Japan 2017. Le premier des archives ressorties du groupe. D'ailleurs, fin juillet devrait sortir un double album live, un best-of du Dramatic Turn of Events Tour. Voilà donc à suivre. J'espère pouvoir vous présenter ça à ce moment-là. Changeons de style maintenant, faisons quelque chose de beaucoup plus 70s avec l'association de Adrian Smith et de Richie Kotzen et leur album éponyme sorti au printemps dernier. On va surveiller un petit morceau bien rock, bien sympa qui s'appelle Glory Road. Esprit des 70s, bah ça c'était une démo oubliée de Led Zeppelin. Non, bah je plaisante, vous avez reconnu, j'imagine. Les petits genoux de Greta Van Fleet, ben il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Enfin, toujours est-il que Robert Plant les a vraiment adoubés, donc partant de là. Extrait donc du dernier album, The Battle of at Garden's Gate, c'était The Barbarians. Dans le même esprit, mais beaucoup plus vétéran, c'était Smith Cotzen et leur album éponyme sorti donc au printemps dernier, c'était le morceau Glory Road. Allez, on a le temps de se faire un dernier petit morceau. Allez, bah tiens, on va terminer avec un petit extrait de Fortitude, le dernier album de Gojira qui fait un carton un peu partout dans le monde. Et puis, il faut reconnaître que c'est mérité. Et d'ailleurs, Gojira, bah, si tout va bien, si la situation sanitaire le permet, ils nous feront une petite tournée française de 3 dates. Lyon, Bordeaux et Paris. Et à Paris, ce sera pas n'importe quelle salle, puisque ce sera Bercy, pardon, l'Accor Arena Hôtel, normalement. Enfin, ça, à suivre, parce que ça évolue tellement vite, les tournées, que... On verra ça à ce moment-là. Allez, on termine avec Born One for One Thing. We'll be right back. for One Thing de Gojira. Voilà, donc c'était le dernier morceau de la soirée. Merci d'avoir été une fois de plus fidèle à ce rendez-vous du métal. Ben, j'espère vous retrouver la semaine prochaine avec, bien sûr, des surprises comme toutes les semaines. D'ici là, ben, je vous souhaite un bon 14 juillet, une bonne semaine. Écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. À mardi, salut à tous !